Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour à tous. Nous nous trouvons dans une navette intra-intertemporelle. Je suis à côté de Francis Lafour, mon fidèle compagnon et néanmoins ami. Francis, vous allez m'accompagner, vous êtes mon technicien. Hein. Bah écoutez, mon cher Lionel, est-ce nécessaire de rappeler que moi j'ai la responsabilité de la technique. Voilà, exactement. Les appareils de bord, la navigation et également la retransmission sonore vers 1999. Voilà, parce que, petite précision, nous voyageons dans le temps et nous avons pour mission, c'est notre énorme quête à nous, de sauver le monde. Et aujourd'hui, par exemple, nous devons sauver le monde en allant voir Hercule qui se trouve du côté de la Grèce en quelques milliers d'années avant Jésus-Christ. Et nous devons l'aider à faire réaliser ses 12 travaux. Écoutez, on m'a dit que si je faisais rien, le monde était perdu. Alors nous allons faire un petit tour, je vous propose de nous transporter quelques milliers de siècles avant Jésus-Christ. Écoutez, la tâche est énorme. Bien, alors pour vous faire patienter pendant notre périple à travers les siècles, je vous propose d'écouter un flash info de l'époque. Nous sommes donc, comme je vous l'ai dit, quelques milliers d'années avant Jésus-Christ. Et la radio parlait déjà à l'époque. Écoutez.